j'ai confiance, je deviens un puits de science. Il faut tourner selon le vent, pour mériter celui que j'aime, je saurai trouver en moi-même. L'étoffe dans sa main, partager la souffrance, oui, la souffrance est partagée.